Am Mittwoch haben wir über zwei Predigten gesprochen, die geteilt sind. Jeudi, on a parlé à propos de deux messages qui sont divisés. Mercredi, pardon. Am Mittwoch haben wir darüber gesprochen, dir zu vertrauen. Mercredi, on a parlé du sujet de te faire confiance. Today we are going to go into the difference is our soul. Der Unterschied ist unsere Seele. Et la différence c'est notre âme en fait. You know, one of my children asked a question. Einer meiner Kinder hat eine Frage gestellt. Un de mes enfants a posé une question. Why my word is accepted and her own is not accepted? Wieso mein Wort, also das Wort des Pastors, akzeptiert wird, aber ihr Wort als Teil der Gemeinde eben nicht akzeptiert wird? Il y a quelques de mes enfants qui ont, il y a une fille qui, une de mes sœurs, de nos sœurs qui a demandé à maman pourquoi la parole de maman quand elle parle, ça on l'accepte et ses paroles n'est pas acceptée. And I said also that somebody has asked me this question before. I said it before me. For some time ago, but the Lord did not bring any message concerning me. But this time, He now brought this message. Und ich habe euch gesagt, dass jemand diese Frage schon mal gestellt hat oder diese Aussage schon mal gemacht hat, und der Herr hat mir damals keine Antwort dazu gegeben. Aber dieses Mal hat er mir eine Antwort dazu gegeben. Je vous ai déjà dit que cette question, il y a déjà quelqu'un qui m'a déjà posé cette question, mais je n'avais pas de réponse. Mais cette fois-ci, j'ai une réponse. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the difference is our soul. Der Unterschied ist unsere Seele. La différence est notre esprit. The difference is not the Holy Spirit. Der Unterschied ist nicht der Heilige Geist. La différence n'est pas le Saint-Esprit. Yeah. The difference is not the Holy Spirit. Der Unterschied ist nicht der Heilige Geist. La différence n'est pas le Saint-Esprit. The difference is not even our spirit. Der Unterschied ist auch nicht unser Geist. Et la différence n'est même pas notre propre esprit non plus. You know, people make noise and say we have the same Holy Spirit. Leute machen Lärm, reden viel und sagen, dass wir haben den gleichen Heiligen Geist. Donc les gens sont vraiment font du bruit, on dit toujours que oui, on a le même Saint-Esprit. That we have the same Holy Spirit, that does not mean we have the same soul. Dass wir den gleichen Heiligen Geist haben, heißt nicht, dass wir die gleiche Seele haben. Seulement parce qu'on a le même Saint-Esprit, ça signifie pas qu'on a la même âme. Amen. Yes, we have the same Holy Spirit. Wir haben den gleichen Heiligen Geist. But our souls are not the aber same. Unsere Seelen sind nicht gleich. Oui, on a le même Saint-Esprit, mais notre âme, c'est pas la même. Amen. In Romans 6:16, the Bible says, "Whoever you yield yourself to, will control you." It's talking about your soul. In Römer 6:16 lesen wir, dass let's go there. Wer wem auch immer du dich hingibst, der wird dein Leben kontrollieren. Romans 6:16 nous dit que tu seras la personne qui te contrôle, tu seras l'esclave de cette personne. On va le lire ensemble. Praise the Lord. 16. Il s'agit de ton âme. Know ye not that to whom you yield yourself servant to obey, the servant you are to whom ye obey. Amen. Amen. He's talking about your soul. Es geht deine Seele. Ici, il s'agit de ton âme. Il dit ici que ne savez-vous pas que vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, il parle de ton âme. Whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Amen. Amen. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie, à la justice. Verse 17 says, "But God be thanked." Verset 17. That you were the servant of sin, but you have obeyed from the heart. Amen. The form of doctrine which was delivered you. Be made free. Be then made free from sin. You became the servant of righteousness. Amen. It's talking about your soul. Es geht deine Seele. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ici, il parle de ton âme. Praise the Lord. Hallelujah. We will come to something concerning this, but because Papa said he's not saying it sometimes. So I write everything. So. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit works through our soul a lot. Der Heilige Geist arbeitet viel durch unsere Seele. Der Heilige Geist travaille beaucoup à travers notre âme. Amen. He is no respecter of a person. Er bevorzugt keine Menschen. Lui n'est pas en train de prioriser autre personne plus que l'autre. He knows your soul. Er kennt deine Seele. Parce que lui connaît ton âme. Spirit, soul, and body. Geist, Seele und Körper. Donc j'espère que vous connaissez la différence entre ton âme, corps et esprit. You can be saved and your soul is, your spirit is saved, but your soul belongs to Satan. Du kannst wiedergeboren sein und deine Seele gehört aber immer noch dem Satan. Tu peux être né de nouveau et ton esprit appartient à l'Éternel, mais ton âme appartient au diable. And that you say what I say does not mean we mean the same thing. Und nur weil du das Gleiche sagst wie ich, heißt es, dass wir das Gleiche meinen. Oder es heißt auch noch lange nicht, dass es aus der gleichen Quelle kommt. Et juste pour, parce que tu dis quelque chose, ça signifie pas que ça vient de la même source. If you have a renewed soul, if you are saved in your spirit and your soul is renewed, you can say something, that very thing is coming. Let me not be too fast. Praise the Lord. Hallelujah. let me leave there first. Let us go to another area. The Holy Spirit knows you. The Holy Ghost can do. Donc le Saint-Esprit te connaît. Amen. Mm-hmm. He can see your motive, your value, your desire. Er kennt deine Motive, deine Wünsche, deine Werte. Il connaît tes motifs, tes vœux et ce que tu valorises. Il connaît tout ça. Your motive, your desire, they are all coming from your soul. Und deine Wünsche und deine Motive kommen aus deiner Seele. C'est que tu aimerais bien avoir bien tes vœux ou bien tes motifs. Tout ça, ça vient de ton âme. With my God, we will go there later. You know, if you as a child of God, you are different from the unsaved. Als Kind Gottes bist du anders als die Ungläubigen. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es différent des incroyants. The unsaved, their spirit, they still have the dead spirit, which is Satan. It's still in their, it's still, that is what who they are in their spirit. Der Ungläubige, that's what their spirit is. Den Satan in seinem Geist, sein Geist ist Satan. Je les ai incroyants, leur âme, c'est le diable. Donc parce que ils ont un esprit, leur esprit c'est le diable parce qu'ils ont un esprit mort vu qu'ils sont pas nés de nouveau. And whatever they are doing, they are coming from their spirit. Und was immer sie tun, their dead spirit. Was immer sie tun, es kommt aus ihrem toten Geist. Et tout ce que les incroyants font, ça vient de leur esprit qui est mort. Hein? But God, children. If you are born again, if you are really of Christ, your spirit is safe, 100%. The Bible called it, said it is sealed. Aber Kinder Gottes, wenn wir wiedergeboren sind, ist unser Geist hundertprozentig errettet. Er ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er ist Christus. Et nous, les enfants de Dieu, quand on est né de, on est né de nouveau, notre esprit, il est vraiment, il est parfait, 100% parfait. Et la Bible nous dit qu'il est vraiment scellé, hein, l'Esprit de Dieu en nous. That your spirit is saved does not mean your soul is saved. Aber nur weil dein Geist wiedergeboren ist, heißt nicht, dass deine Seele wiedergeboren ist. Mais juste parce que ton esprit est né de nouveau, ça signifie pas que ton âme est aussi née de nouveau. And that's one reason, most reasons why we come to the church. We listen to Christ, the message. Because all this message that we preach here, we already have them in your spirit, but they have to come to your soul. Und deswegen kommen wir auch zur Gemeinde, weil all diese Botschaften, die wir hören, die sind schon in unserem Geist, ne, weil Christus schon im Geist ist, aber es muss auch in unserer Seele ankommen. Et c'est pour cela on vient à l'église pour écouter le message, malgré notre esprit est né de nouveau, on est parfait dans notre esprit, mais on doit partir à l'église pour écouter le message, pour renouveler nos pensées, pour que notre âme devienne comme notre esprit. And you hear faith come by hearing, hearing by the word. We're talking about your soul, the middle part. You know it needs salvation. He needs your help. He needs your cooperation. That's why you clean it by obeying the truth. Believing the truth, you hear the truth, you believe it and you obey it. Deine Seele braucht Erneuerung und Reinigung und sie reinigt sich durch ihrem Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Et quand tu, au fur et à mesure, tu es en train d'écouter, entendre la vérité, c'est comme ça que tu vas purifier ton âme, parce que c'est à travers ce que tu entends que tu es en train d'avoir la foi. Tu l'écoutes, tu l'entends, et ça travaille dans ton âme, et ça purifie ton âme. You hear the message, which we preach here. You believe it, and you act on it. That's how you clean your soul. Du hörst die Botschaft hier, du glaubst sie und handelst danach. So reinigst du deine Seele. Et comment purifier ton âme? C'est quand tu entends le message, tu obéis au message et puis tu crois après obéir. Tu obéis, tu entends le message, tu crois au message, tu obéis et tu es en train de agir selon le message. Let me quickly go here. If I renew my mind and you refuse to renew your mind with the gospel of Christ. We both can say the same thing, but what we are saying is not coming from the same source. Wenn ich mich entscheide, meine Gedanken zu erneuern mit Christus Jesus, aber du das nicht tust, können wir beide das Gleiche sagen, aber bei dir kommt es aus dem Fleisch, bei mir kommt es aus Christus, aus dem Geist heraus. Ça signifie que si moi je purifie mon âme, j'ai juste en train de renouveler mes pensées, mais toi tu refuses de renouveler tes pensées, on peut dire la même chose, mais ça n'a pas la même source. Ça ne signifie pas que ça a la même signification, parce que toi, tu n'as pas renouvelé tes pensées, et moi, j'ai renouvelé mes pensées, par exemple. Donc, on peut dire la même chose, mais ça n'a pas la même signification, parce que ça ne vient pas de la même source. We might even be going to the same church. Wir gehen vielleicht sogar zur gleichen Gemeinde. On peut même partir dans la même église. But because I hear the word, I believe it and I act on it, but you refuse to, you heard it. But you refuse to believe it, and there's no action. Mm-hmm. So you can see that our souls are different. Yeah. And anytime we speak, that what we are speak, whatever we say is coming from inside us. And our renewed soul is never backed by the power of the Holy Spirit. Once you speak your words, the Holy Ghost is to back your words. Mm-hmm. And if your soul is unrenewed, whatever you are speaking is powerless. It's just like flesh and blood. It's like a sinner speaking. But once a soul that is alive, there's a song we sang today. Every living soul, praise the Lord. A living soul is a renewed soul. And it's the soul that now that Christ is now being occupied. It's not the house of Christ. Just like your spirit is the house of Christ. Your soul is not the house of Christ. Mm-hmm. It's only the house of Christ that can praise Christ. Was immer wir halt auch sagen, kommt aus unserem Inneren. Und der Heilige Geist muss unsere Worte unterstützen. Wer kann sie nur unterstützen, wenn sie aus der erneuerten Seele kommen? Wenn sie aus der unerneuerten Seele kommen, werden sie nicht unterstützt, weil sie Fleisch sind. Der Heilige Geist kann nur das unterstützen, was von Christus ist, was Geist ist. It's not the spirit of flesh. Aber wenn die Seele unerneuert ist, werden die Worte nicht vom... Achso, ja, habe ich schon gesagt, genau, sorry. Das war noch ein anderer Satz. Genau, und deswegen haben wir auch eben gesungen, dass nur die lebendige Seele soll den Herrn preisen, weil nur das Haus Gottes, nur die Kinder Gottes haben das Recht, ne, und dürfen Christus Jesus preisen und loben. Aber dieser Lobpreis soll nicht von einer toten Seele kommen, soll nicht von jemandem kommen, der tot ist. La Bible nous dit que seulement l'âme qui est vivante peut... je veux répéter encore. Tu dois t'imaginer que si toi, ton âme n'est pas née de nouveau, et moi, mon âme est née de nouveau, on peut dire la même chose, mais le Saint-Esprit est en train seulement de supporter la chose qui vient à travers l'âme qui est renouvelée. Donc ça signifie qu'on peut être né de nouveau nous deux, être les enfants de Dieu, mais si tu n'as pas renouvelé tes pensées, tout ce que tu dis, le Saint-Esprit ne va pas le supporter, il ne va pas travailler à travers ça. Mais quand ton âme est née de nouveau, tu peux même dire « Ah, comme moi », mais ton « A » là, si ton âme n'est pas née de nouveau, même si c'est quelque chose qui est biblique, le Saint-Esprit ne va pas soutenir ce que tu as dit parce que tu me dis ça avec un âme qui n'est pas née de nouveau. Et c'est pour cela il y a aussi la différence. Ça se fait aussi qu'il y a la différence entre la personne qui parle, même si vous êtes des enfants de Dieu, mais si ton âme n'est pas née de nouveau, n'est pas renouvelée, il y aura, tu vas voir que les gens auront du mal à comprendre ce que tu es en train de dire, en fait. Et c'est pour cela qu'on venait aussi de lire une chanson que chaque âme vivante doit louer l'Éternel, tu vois. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Proverbs 21, verse 27. Proverbes 21, verset 27. Amen. He said, the sacrifice of the wicked is an abomination. How much more when he bringeth it with a wicked man? Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Then also, if you go to Proverbs 15. Proverbs 15. Verse 27. Verset 27. Praise the Lord. Proverbs 15, verse 8. Sorry. So the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Praise the Lord. Le sacrifice des méchants est un horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Amen. Amen. Das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel, das Gebet der Aufrichtigen aber ist ihm wohlgefällig. Amen. You are worshiping him is even an abomination. Ihn zu preisen, ihn zu loben, ist dann sogar ein Greuel, eine tote Seele. A living soul that should worship Christ. Eine lebendige Seele soll den Herrn preisen. Donc ça signifie que le sacrifice ou bien les prières d'un homme qui a un âme qui est mort, qui n'est pas né de, qui n'est pas renouvelé, c'est de l'horreur, c'est un horreur pour l'Éternel. The Holy Spirit works through our soul. Der Heilige Geist arbeitet durch unsere Seele. Parce que le Saint-Esprit travaille à travers notre âme. So also Satan works through souls. Genauso arbeitet auch der Satan durch Seelen. Et c'est comme ça aussi que le diable travaille aussi à travers l'âme. That's why Satan is not even bothered if you are saved, if your spirit is saved. Deswegen ist dem Satan auch egal, wenn der Geist errettet ist. Et c'est pour cela le Saint-Esprit, pour le diable, lui, il n'a pas, ça l'inquiète pas que tu n'es pas né de nouveau. Because he knows that. Que ton esprit est sauvé. Que ton esprit est, oui, est né de nouveau, est sauvé. Because he knows that your dead soul still belongs to him. Denn er weiß, dass deine tote Seele immer noch ihm gehört. Parce qu'il sait que ton âme qui est mort l'appartient toujours. I hope you understand. The Holy, you know, Satan does not, he doesn't care if your spirit is saved. He doesn't care so much. Because he knows that until your soul is renewed, and to renew your soul is very scarce. And because Allah renewed their souls with religion, you still belong to him. Amen? He still is, that's your soul is still his property. If you renew your soul with religion, so he doesn't care about your spirit, but because he knows that through your soul you still belong to him. Deswegen fürchtet der Satan auch nicht deine Wiedergeburt, weil dein Geist ist zwar dann gehört Christus, aber deine Seele kann immer noch sein Spielfeld sein, kann immer noch zu ihm gehören. Weil auch selbst wenn du deine Gedanken erneuerst, ist noch mal die Frage, womit du deine Gedanken erneuerst. Wenn du sie mit der Religion erneuerst, bist du immer noch auf seinem Spielfeld und er ist immer noch eine leichte Beute für dich. Du bist immer noch eine leichte Beute für ihn. Donc le diable, lui, il s'inquiète pas que tu es né de nouveau ou bien ton esprit appartient à l'Éternel parce que lui, il sait que ton âme n'est pas encore née de nouveau, n'est pas encore renouvelée. Et si ton âme n'est pas encore renouvelée, lui, il sait que tu l'appartiens toujours, qu'il a encore, il a encore une chance de travailler à travers toi. Et même si ton âme est, tu es en train de renouveler ton âme, tu dois aussi te demander la question avec quoi? Est-ce que tu renouvelles ton âme avec la vérité ou bien avec la religion? Parce que si tu renouvelles tes pensées avec la religion, ça ne te sert à rien. Et c'est seulement quand tu renouvelles tes pensées avec la vérité de Jésus-Christ, c'est là où que tu deviens, tu es un danger pour le diable. He can see your motive. He can see your desire. That is the Holy Spirit. Even Satan also. Let me just leave that of Satan on one side. Maybe I go there later. He can see your motive. behind whatever you are saying. The Is it motive. Motif hinter allem, was du sagst? Le Saint-Esprit voit le motif derrière tout ce que tu es en train de dire. Amen. Amen. We can say the same thing and not mean the same thing. Wir können das Gleiche sagen, aber wir meinen nicht das Gleiche. Donc on peut même être capable de dire la même chose. Amen. Mais la signification de ce qu'on dit, c'est pas la même chose. And we can say the same thing, and both are not coming from the same source. Wir können das Gleiche sagen und beides kommt One is coming from a renewed soul. The other one is coming from a source, a renewed soul. One is from a renewed soul. The other one is from a renewed soul. Eines kommt aus einer Eines kommt aus einer erneuerten Seele, eines kommt aus einer nicht erneuerten Seele. Donc on peut même dire la même chose, mais c'est que toi tu dis tes paroles, ça vient de l'âme qui est renouvelée, et par exemple ma parole vient sort de l'âme qui n'est pas renouvelée. Donc la source c'est pas la même chose parce que l'âme qui est renouvelée c'est l'âme de l'Éternel. C'est l'esprit de Jésus-Christ, mais Amen. L'âme qui n'est pas renouvelée, qui n'est pas renouvelée, ça vient d'un esprit mort qui ne connaît pas Jésus-Christ. Donc malgré c'est la même parole, ça a deux significations différentes parce que ça n'a pas la même source. You know, in a living church, what you are speaking, your children are matured, and they can see your words. They know where this word they are coming from. They can see more than your words. I don't know if you are getting it. In einer lebendigen Gemeinde sehen die Kinder Gottes mehr als nur die Worte. Sie sehen den Ursprung der Worte, die Quelle der Worte. Et dans une église vivante comme la nôtre, si par exemple les enfants de Dieu sont vraiment matures, on est capable à voir derrière ce que tu es en train de dire. Donc tu peux dire quelque chose, mais nous, on est capable à travers le renouvellement de nos pensées et avec le Saint-Esprit, on peut voir le motif que tu as quand tu dis quelque chose. And for them to listen to you, to accept your word, it comes from the Holy Spirit. Mm-hmm. Damit sie das Wort, was du sagst, akzeptieren, muss es vom Heiligen Geist kommen. Et pour qu'on puisse être capable, nous dans une église vivante, les enfants de Dieu dans une église vivante, pour qu'on puisse être capable à accepter ce que quelqu'un nous dit, donc ça vient seulement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dit oui, c'est bon, c'est que la personne a dit, c'est pur. Tu peux l'accepter. They can see that your words where it's coming from. They can see the source. Sie können die Quelle deiner Worte sehen. Parce que les enfants de Dieu à travers le Saint-Esprit sont capables à savoir la source de ce que tu dis. If it is coming from the Holy Spirit or it's coming from you. Ob es vom Heiligen Geist kommt oder von dir. Si ça vient du Saint-Esprit ou ça vient de toi. Amen. Ton âme qui n'est pas renouvelée. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit works a lot through our motive. Der Heilige Geist arbeitet sehr viel durch unser Motiv. Et le Saint-Esprit travaille beaucoup à travers nos motifs. Praise the Lord. Alleluia. We can do the same thing and I blow trumpet and you are not blowing trumpet. That you are not blowing trumpet does not mean you are not even blowing trumpet. What did he say? Don't blow trumpet. Mm-hmm. You know, there's a place Jesus said, once you give arm, don't blow. Let's go there. Luke 12. Weshalb hat gesagt, dass wir keine große Sache draus machen? Matthew 6. So, dass wir nicht eine große Glocke hängen, sondern wir gewisse Dinge tun oder nicht tun. Et c'est pour cela l'Éternel dit aussi qu'on ne doit pas vraiment faire de ça un drame quand on fait quelque chose pour l'Éternel. Matthew 6. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1. He said, take heed that you do not your arms before me to be seen of them. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, verse 2. When thou doest your arms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogue. And in the streets, that they may have glory of men. You can see the motive. Their motive is that they may have the glory of men. Das Motiv ist, and not Christ having the glory. Dass Leute sie preisen, aber nicht, dass der Herr gepriesen wird. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. It's a very relation unto you. They have their reward. Verse 3. But when thou doest alms, let not your left hand know what the right hand doeth, that your alms may be in secret, and your Father which is in secret himself shall reward you openly. Amen. Praise the Lord. Amen. He's talking about yourself. Es geht um dein Selbst. Allow your faith. You know, once you are doing harm, it's not about you doing it. It's Christ doing it. Lord, donc, I hope you understand. Wenn du diese Almosen gibst, es ist nicht du, der diese Almosen gibt, sondern es ist der Herr, der sie durch dich hindurch gibt. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans la synagogue et dans les autres rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, c'est que l'Éternel veut dire ici que quand tu fais quelque chose, ça doit venir de l'Éternel. Quand tu es en train de faire voir ça à tout le monde, ça vient de toi-même. Donc, ça ne doit pas venir de toi-même, ça doit venir de l'Éternel. Amen. He said that your hands may be in secret. He said your hands may be in secret. Why secret? You know, if what you are doing, if it is, it's like Luke 10, where Jesus sent the 70s. And they returned. Amen. Amen. And their joy was based on the flesh. No, it was miracle. Came from God. Amen. But Jesus said, but rather rejoice because your name are written in heaven. Amen. That is a secret that man cannot understand. Mm. I don't know if you get it. Mm. Das ist ein Geheimnis, was der Mensch eben nicht verstehen kann. Donc ça, c'est un secret que l'être humain n'est pas capable à comprendre. Are you getting it? Mm. I don't help you to understand a secret. What secret mean? He said that your arm will be a secret. It means what man cannot imagine. What they cannot get, what they cannot understand. They cannot understand the reason why you are rejoicing. That is not about you pass your exam, it's about your name is written in heaven. Diese Verborgenheit liegt darin, dass in der Verborgenheit für die Welt, die diese Weisheit von Christus eben nicht verstehen kann, für die ist diese Weisheit, diese Offenbarung verborgen hinter deinem Tun. Le secret, et c'est un secret, le royaume des cieux, c'est un secret pour les hommes de ce monde, parce que pour eux, il s'agit que tu puisses, par exemple, passer tes examens, mais pour l'Éternel, il s'agit que tu en aies écrit au royaume des cieux. Donc, ils ne peuvent pas comprendre la profondeur de ce secret. Ils disent que oui, ton nom est écrit au royaume des cieux, mais ça ne va pas te nourrir. Par exemple, c'est ce qu'eux, ils sont en train de penser. Mais le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit que c'est autrement. Praise the Lord. Amen. You know, people, they just, they are there for people. I've heard that there are people, they are there for people, and they don't want people to know that they are there for them. Are you getting it? That does not mean it's Christ. Es sind Menschen, die für andere Leute da sind, und sie wollen, dass dieses für sie da sein. Im Verborgenen passiert. Das sind jetzt nicht so wie diese Stars, die, keine Ahnung, öffentlich Bilder mit Obdachlosen machen, um sich zu zeigen. Und deswegen denken sie, dass sie bessere Menschen sind. Sie denken, das ist von Christus, aber es geht immer noch um dein Selbst. Et il y a beaucoup de gens religieux, quand ils écoutent, ils lisent ce passage, ils se disent, ben oui, ils préfèrent de ne... quand quelqu'un fait, de faire quelque chose du bien à quelqu'un d'autre, mais ils ne veulent pas écrire leur nom, ils ne veulent pas qu'on puisse savoir qui ils sont, et ils sont vraiment anonymes, parce qu'ils pensent que c'est comme ça que l'Éternel veut qu'ils puissent agir. Mais non, ils sont en train aussi de le faire ça pour eux-mêmes, en fait. Pour qu'ils puissent dire qu'ils sont en train de faire la volonté de l'Éternel. There's nothing wrong in blowing trumpets. Once it's Christ. Es ist nicht schlimm, es an die große Glocke zu hängen, wenn es darum geht, Christus zu verherrlichen. Donc, il ne faut pas, c'est pas mal de dire à haute voix qu'est-ce qui est de bien s'il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Mm. It's like boasting. Oui. So we pray. Donc c'est pas mal de faire d'être fier de quelque chose. Amen. Quand il s'agit de Jésus-Christ. We boast that we boast in the Lord. We pray in the hand. Comme nous, on est vraiment fier, mais on est fier en Jésus-Christ. You can see how I preach this ministry. I preach here because here is Christ. Mm-hmm. I preach Christ. Und deswegen predige ich auch diese Gemeinde, weil diese Gemeinde Christus ist. Wenn ich Christus predige, predige ich über diese Gemeinde. Wenn ich über diese Gemeinde predige, predige ich über Christus. Et quand moi je prêche sur concernant cette église, je prêche concernant Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est l'église. Je veux pas les, c'est un synonyme, c'est la même chose. Et il est ici, donc c'est aussi sa maison. Donc ça signifie que je ne les sépare pas. Et c'est pour cela que je me permets aussi à prêcher cette église. Remember, Paul said, follow me. It's not because I am ignoring Christ. It's not because I reject Christ, but because I follow Christ. Ehrlich daran, als Paulus gesagt hat, folgt mir nach, nicht weil ich meinen eigenen Weg gehe, nicht weil ich Christus ignoriere, sondern weil ich auch Christus folge und ihr sollt es mir nachmachen. Folgt Christus genauso, wie ich es auch tue. Amen. Et tu vois aussi comme Paul a dit que suivez-moi comme moi je suis Jésus-Christ. Ça signifie que quand il dit ça, il dit pas que tu dois le suivre parce que lui, il ne fait pas ce qui est agréable à l'Éternel. Non, il dit que vous devrez faire la même chose que moi parce que moi, je suis Jésus-Christ. On va lire Romains 3. Romains 3, verset 27. Romains 3, 27. Talks about boasting. Il parle de prêcher. Romains 3, 27. Ici, il parle d'être fier. On bleibt nun das Rühmen. Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Werk? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So where is boasting then? It is excluded. By what law? By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Praise the Lord. Amen. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Then go to 2 Corinthians, please. 2 Corinthians. 2 Corinthians. 2 Corinthians 10. 2 Corinthians 10. 2 Corinthians 10. We read 8 and 17. 8 und 16. 8 et 16. Are we there, please? Praise the Lord. It said, for though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord had given us for edification and not for your destruction, I should not be ashamed. I don't know if you get something there. I boast of Christ, I'm not ashamed of it, because it is to help you. It's not to destroy you. It's not to bring you down. But to bring you, to take you out of darkness. Wir rühmen uns von Christus. The same Christ that I see. If you can see the same Christ, we will have the same result. Wir rühmen uns von Christus nicht, um einander zu zerstören, sondern um einander anzuspornen, Christus zu wandeln. Weil wenn du Christus siehst, wirst du dich auch erfreuen können daran. Et quand même, je me glorifie un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Donc, ça signifie que quand on est fier du Christ en nous. Et quand on est fier, on est en train on montre qu'on veut plaire. On est fier du Christ qui travaille aussi à travers nous et pas à travers ce monde, comme ce passage biblique nous dit. Amen. Amen. The boasting of the Lord edified. The people. Das Prahlen des Herrn, das erbaut Leute. Amen. Mm. Donc, quand tu es fier de l'Éternel, c'est en train d'édifier les autres. The boasting of the flesh destroys the people. Aber das Prahlen des Fleisches, das zerstört Menschen. Mais quand tu es fier de la chair, ça détruit l'être humain. The people now become inferior. Leute werden dann minderwertig. Become inferior. The boasting of the flesh. Mm. The boasting of Christ is freedom. Das Prahlen in Christus macht frei, aber das Prahlen im Fleisch, das sorgt dafür, dass andere sich minderwertig, kleiner fühlen. Yeah. Donc, quand tu es fier du Saint-Esprit en Christ, tu es en train d'aider les autres pour aussi s'édifier, pour voir Jésus-Christ, pour être encouragé, tu les encourages, wesh. Mais quand tu es en train de tu es fier de la chair, les gens, autres personnes sont en train de se sentir inférieures parce qu'il s'agit de la chair. Praise the Lord. Alléluia. In verse 17. Verset 17. Praise the Lord. Alléluia. He said, but he that glorieth, let him glory in the Lord. Praise the Lord. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Then in verse 18, for not he that commended himself is approved, but whom the Lord commended. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. And then there's nothing wrong in blowing trumpet. Amen. There's nothing wrong in boasting. If it is boasting of Christ Jesus. Es ist nicht schlimm, Dinge an die große Glocke zu hängen oder zu prahlen, wenn es von Christus ist, wenn es um Christus geht, um seinen Namen größer zu machen. If it is praising Christ, for you to praise him, it's all about him alone. Amen. To bring people is freedom for people. Donc il n'y a rien de mal de se glorifier, mais c'est seulement quand il s'agit de se glorifier dans le Seigneur, parce que ça, ça libère, ça donne de la liberté aux autres personnes, et ce n'est pas là pour détruire les gens. Just like he died for you, he also died for them. So wie er für dich gestorben ist, er auch für sie gestorben. Tout comme il est mort pour toi, il est aussi mort pour autre personne. And you accept him, you allow him to come in. If they allow him to come in, we will get the same results. Und du hast ihn akzeptiert, und wenn sie ihn auch akzeptieren, wenn sie ihn auch reinlassen, werden sie die gleichen Ergebnisse bekommen wie du. Hey, toi tu as accepté Jésus Christ, ça signifie que si les autres personnes acceptent aussi le même Christ que tu as, ils vont aussi avoir le même résultat. You know, boasting of the flesh, if people are boasting, they have money, and people want to be like them, they go and steal. They go and look for dubious way to have what they have. Are you getting it? But boasting of the Lord is real freedom. Das Prahlen des Fleisches sorgt auch dafür, dass Leute in Habsucht verfallen, dass sie sagen, okay, ich beneide deinen Reichtum, ich will mich genauso reich sein wie du, aber ich schaffe es nicht auf legalen Wege, deswegen versuche ich auf illegalen Wege, mir dann diesen Reichtum auch zu beschaffen, damit ich genauso ein Leben führen kann wie du, weil ich dein Leben beneide. Quand tu es fier de la chair, ça va aussi emmener autre personne à dérober une banque ou bien à faire quelque chose parce qu'ils sont en train de voir que, ah oui, mais là, vraiment une très belle vie, j'aimerais aussi avoir cette vie. Ils sont en train de, ça emmène autre personne aussi à faire quelque chose du mal ou bien à faire commettre des crimes pour avoir le même moyen que toi, pour avoir ta vie. Donc, les gens deviennent aussi très jaloux. Mais quand tu es fier de l'esprit du Christ, quand tu es en train de glorifier le Christ, là ça va pas détruire quelqu'un, ça va par contre ça va sauver autre personne aussi, parce que la personne voit que ton résultat dit que elle est fière du Christ qu'elle a, et ça lui donne de la paix, et le Christ est la personne qui la nourrit. Moi aussi je veux chercher le même Christ là, et tout le monde peut avoir le même résultat que toi parce que il choisit le même chemin que toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, the Holy Spirit knows your soul. Der Heilige Geist kennt deine Seele. Le Saint-Esprit connaît ton âme. You yourself, you know your soul. Du selbst, du kennst deine Seele. Toi-même aussi, tu connais ton âme. Satan knows your soul. Le Satan kennt deine Seele. Et le diable connaît aussi ton âme. C'est trois personnes, toi, le diable et le Christ. You know, when that woman, you know, that woman gave... the widow giver. Remember the widow giver in the Bible. Amen. In the synagogue. When that woman gave all. It was not that woman that told Jesus, I gave all. Amen. This woman never mentioned it to Jesus. But Jesus knew. The Holy Spirit knows you. He knows that all you are giving is all. I don't know if somebody is getting it. Wie die Witwe, die... in der Synagoge ihr letztes Geld gegeben hat. Sie hat es nicht an die große Glocke gehangen, sondern es wurde Jesus erzählt. Sie hat es nicht Jesus gesagt, sondern es wurde Jesus erzählt. nee, nicht erzählt. Er hat, genau, der Heilige Geist hat es gesehen, dass diese Person ihr letztes Geld gegeben hat. Sie hat es nicht selbst an die große Glocke gehangen, hat es überall rum erzählt, um zu prahlen, mit was sie gemacht hat und was sie gegeben hat. Tout comme la femme veuve dans le synagogue qui a donné tout ce qu'elle avait au Christ, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas elle qui s'est glorifiée, qui a dit que oui, je donne mon dernier centime à l'église. Non, elle a rien dit, mais c'est le Saint-Esprit qui a vu ça et il a signalé à Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus-Christ lui a dit que bon, tu as vraiment tout donné. Et où est-ce que le Christ le savait? C'était à travers le Saint-Esprit parce qu'il voit tout. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus, you know, the Holy Ghost knows you. Heilige Geist kennt dich. Le Saint-Esprit te connaît. Amen. Amen. Just like that of Ananias and Sapphira. Genauso wie bei Ananias und Sapphira. Comme avec l'exemple de Ananias et Sapphira. Praise the Lord. Hallelujah. The pastor might not even know. Der Pastor weiß es vielleicht nicht. Ça peut être que même le pasteur ne connaît pas. Peter and others, they might not even know. But the Holy Spirit. Nicht, aber der Heilige Geist. Pierre, Jean, tous les disciples, peut-être, ils ne savaient rien. Mais le Saint-Esprit, lui, il est capable à tout savoir. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit is involved in everything in a living church. Der Heilige Geist ist in allem involviert in einer lebendigen Gemeinde. Le Saint-Esprit est involvé dans tout ce qui est impliqué dans tout ce qui concerne l'Église. Praise the Lord. Hallelujah. Peter said, why did you lie to the Holy Spirit? Peter sagt, because it's between you and the Holy Spirit. Hast du den Heiligen Geist angelogen, weil es geht um dich und den Heiligen Geist. Dans Actes des Apôtres, Pierre a dit à Ananias et Saphir, il a dit, mais pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Parce qu'il ne s'agit pas de toi et l'Église, mais il s'agit toujours de toi et le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Look at it from verse 1 here. Amen. You can see that these people, they were doing the same thing like others. But the difference was their soul. I don't know if somebody is getting it. Die Leute haben das Gleiche getan wie die anderen Leute, auch gegeben, auch Sachen verkauft, aber der Unterschied war ihre Seele. Donc tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi vendu des histoires, ils ont donné aussi, ou bien retenu aussi quelque chose d'autre, mais la différence était leur âme. You even before 5, in chapter 4. Verse 4. If we read from from verse 32. Acte des Apôtres, verse 4. Acte 4, verse 32. Apostelgeschichte 4. From verse 32. 32. We still have in the table. Let us go there now. Amen. He said, and the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. That is what a living church should be. So muss es einer lebendigen Gemeinde aussehen. One soul. Ein Herz und eine Seele. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Amen. And that's why it is very, very important for you to renew your soul. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du deine Gedanken erneuerst, dass du das Evangelium glaubst und noch handelst. Cela c'est important que tu puisses renouveler tes pensées parce que tu dois vraiment être capable à croire le message qu'on te prêche et aussi être un âme avec l'Église, avec tes frères et sœurs. Your soul. Allow the Christ in your spirit to come to your soul. Lass du den Christ in deinem Geist auch in deiner Seele. Tu dois permettre au Christ qui est dans ton esprit de sortir aussi et être demeuré dans ton âme. That's the only way we can be one. Nur so können wir eins sein. C'est le seul moyen pour qu'on puisse être un. If your soul is full of religion, we can never be one. It's not possible. Weil wenn deine Seele voll ist mit Religion, wird es nicht funktionieren. Es ist so wie Dunkelheit und es ist so wie Finsternis und Licht. Es kann nicht funktionieren. Si ton âme est blanc et rempli de la religion, on va marcher ensemble. C'est comme la lumière et l'obscurité. Amen. Amen. Neither say any of them that out of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Verse 33. And with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Neither, verse 34, neither was there any among them that lacked. Can see how the spirit of lack gets away from us. Es ist wie der Geist des Mangels von uns weggeht dadurch. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposa sur eux, car il y avait parmi eux chacun indigène. et tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu. Et c'est comme ça qu'ils avaient la grâce parce que ça les aidait aussi à être un quand ils étaient là pour l'autre. Amen. Amen. That we are one in spirit and soul. Tu es un en Geist und Seele. Quand on est un dans, les, dans l'esprit et dans l'âme, c'est comme ça qu'on ne manque rien. He said, for as many as we are possessed of lands, our houses sold them, mm-hmm. and brought the prices of the things that we are sold, mm-hmm. and laid them down at the apostles' feet. And distribution was made unto every man according as he had need. Mm-hmm. And Joseph, who by the apostle was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. You can see what Ananias and Sapphira, they did. Others were also doing it. Mm. They were all doing the same thing, mm. but they had different souls. Was Ananias und Sapphira getan haben, das, war, das haben auch andere getan, aber sie hatten alle eine andere Seele. Donc je vois que ce que Ananias et Sapphira ont fait ici, on voit que Joseph, surnommé par l'apôtre Barnabas, celui-là aussi, il était en train de tout le monde était en train de déposer aux pieds des apôtres ce qu'ils avaient vendu et puis laisser les apôtres distribuer. Donc eux tous, ils étaient en train de faire la même chose que Ananias et Sapphira, mais il y avait une différence parce qu'ils avaient deux âmes différentes. Now chapter 5, Proverbs 1, we just read to 3. Amen. 5, 1-3. It says, but a certain man named Ananias and Sapphira, 5-3, his wives sold the possession like others. To speak the words like others. Du sprichst zu den anderen, du tust das Gleiche, aber es kommt aus der gleichen Quelle. 1. Ah, okay. Un homme nommé Ananias, avec Sapphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix de sa... oui. Tu vas voir que vous pouvez faire la même chose, mais la tienne, ça vient par exemple d'un autre âme que ceux des autres. Is somebody getting it? The verse 2 said, I kept back part of the price. So the soul, unrenewed soul, is working. Ein unerneuter Gedanke ist gerade hier am Werk. Et ici, on voit que maintenant, il commence à... Parce que les autres, ils étaient en train de tout vendre et de tout donner. Mais celui-ci, il a tout vendu, mais il a retenu une partie du prix. Et là, tu commences à voir où maintenant les pensées qui ne sont pas renouvelées commencent à travailler. Can see five senses is working. Sind die fünf Sinne, die am Arbeiten sind? Ici, on voit que ces cinq sens ont commencé à travailler. What man we call you are clever is working. Wo der Mensch sagen würde, boah, ihr seid aber clever, habt ihr schon gut ausgedacht. Okay, very good. Praise the Lord. C'est que tu vois que les cinq sens qui travaillaient à travers lui, c'est censé que l'être humain dit que oui, c'est bien, bien fait. Tu as vendu, mais ne donne pas tout à l'église. Bon, un quart tu peux retenir pour toi, c'est pas mauvais. You can see what is coming from your soul. Seht, was aus ihrer Seele kommt. What came out of other people's soul. Das ist unterschiedlich als das, was aus der Seele, aus den Seelen der anderen gekommen ist. Tu peux voir que ce qui vient de l'âme de Ananias et Sapphira, c'était différent que ce qui venait de l'âme des autres croyants, parce que toute l'église entière est en train de vendre tout, vraiment tout, et diviser et donner tout aux apôtres. Mais lui, ici, il était malin. I kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. And Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart? To tell, to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, in verse 4, is also important if you look at it. It says, when the land belongs to you, selling it belongs to you, the money even belongs to you, then why lie? Ja, und hier auch in Vers 3 steht ganz klar, dass Das Land hat euch gehört, ne? Ist auch zu verkaufen, war auch, habt ihr es freien Willen getan? Wieso habt ihr das Geld dann nicht einfach behalten? Wieso habt ihr dann so getan, als ob ihr alles an die Gemeinde gegeben habt, wenn ihr einen Teil für euch behalten habt? Also weshalb diese Idee, weshalb diese Motivation, sowas zu tun? Okay. Si Pierre dit à verset 3, dit que pourquoi Satan t'a rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu ailles retenu une partie du prix du champ. S'il n'est pas été vendu, n'était resté. Donc, en fait, il veut dire ici que c'était le tien, c'était ta maison, c'est toi-même qui as décidé de vendre. Mais tu as pris cette décision de vendre pour l'église et maintenant tu commences à être malin et tu veux retenir une partie. Mais c'est pas bien. Donc, pourquoi tu as même. Ça allait même être mieux si tu n'avais même pas vendu au lieu de maintenant être dans la position à mentir au Saint-Esprit. You know, a living church is gefährlich. Eine lebendige Gemeinde ist gefährlich. How do you say? It's dangerous. To play hanky-panky. Mit dieser Gemeinde, also da zu dribbeln, sozusagen. Et une église vivante est vraiment dangereuse. C'est vraiment dangereux de blaguer avec une église vivante. I don't know if they have been doing it, Ananias and Sapphira. Ich weiß nicht, ob Ananias und Sapphira es schon in der Vergangenheit immer wieder getan haben. The Lord gave time. Und der Herr gibt halt Zeit, um Buße zu tun, um umzukehren. Donc, je sais pas si Ananias et Sapphira, ils ont fait ça pour la première fois. Peut-être ils ont fait ça aussi avant. Parce que l'Éternel, il donne toujours un temps pour se repentir. Quand tu fais quelque chose de mal, il te corrige, il te dit, bon, non, apprends. Mais si tu n'utilises pas le temps, c'est un peu malheureux. He always judge righteously. Er richtet immer gerecht. Parce que lui, il est en train de juger vraiment, il juge juste. Amen. He give people time. Er gibt Leuten Zeit. Il donne aux gens le temps de se remplir. But if you refuse, wenn du dich weigerst, mais si tu n'acceptes pas, tu refuses de te repentir, là tu auras vraiment un Amen. Problème. The same electricity that you have been using to cook can kill you. Denn dieser gleiche Strom, mit dem du kochst, der kann dich auch töten. Parce que la même électricité que tu utilises pour te faire nourrir, pour te faire manger, c'est la même électricité qui est capable de te tuer. Jesus sagt, wir sollen ihn fürchten. Et c'est pour cela l'Éternel dit de lui craindre. Praise the Lord. Yeah. Yeah, so I said, why it remained? Was it not yours? And after it was sold, was it not in your own power? Mm. Why has thou conceived this thing? Conceived your heart. You know, you have a wound inside you. We all have wounds. You know, your soul have a wound. It's a wound. Deine Seele ist ein Schoß, ne? Und darin kannst du gebären und darin kann etwas wachsen. Und wir müssen uns fragen, was lassen wir darin wachsen? So hat auch Petrus Ananias gefragt, weshalb hast du zugelassen, dass in deinem Herzen so etwas entsteht? Ne? Et ici, Ananias aussi dit, Pierre dit aussi à Ananias, mais pourquoi tu as laissé que les mensonges du diable puissent être que tu puisses les porter vraiment dans ton cœur comme ça, c'était quelque chose de grave. Amen. It said, "Thou have not lied unto men, but unto God." Amen. A living church is dangerous. And when a Gemeinde is gefährlich. You're coming here. You know, if you are not ready to surrender fully, it's better you go. Wenn du nicht bereit bist, dich vollkommen hinzugeben, dann geh lieber. Et il lui a dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Et c'est pour cela que tu dois vraiment être, chacun de nous, on doit vraiment être attention, faire attention et être prudent. On doit vraiment craindre l'Éternel. Et parce qu'on ne fait tout ce qu'on fait ici à l'un et l'autre, on le fait contre l'Éternel parce que nous sommes une église vivante et pas contre l'autre, l'être humain. Oder gebe zu, dass du es nicht kannst, dann kann man dir helfen, aber täusche nicht vor, dass du es getan hast. Ou bien fais, dis la vérité, dis que tu as un problème avec quelque chose, on va t'aider, mais ne fais pas semblant, parce que c'est vraiment dangereux. Amen. You can see why I am different from you. Vous savez, mais nicht anders als ihr. Et c'est pour cela que tu peux voir pourquoi moi je suis différente que vous. Amen. You and me. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Toi et moi, nous sommes différents. Amen. The difference is our soul. Der Unterschied ist unsere Seele. Notre différence est notre âme. Again, non-believers sin. They are coming from their spirits. Nochmal die Sünden der Ungläubigen kommen aus ihrem Geist. Et les péchés des êtres qui ne sont pas des hommes qui ne sont pas nés de nouveau, ça vient de leur esprit. Donc leur péché vient de leur esprit. Amen. But believers, their sins always come from their soul. They are a new part of them. Aber Gläubige, ihre Sünde kommt aus ihrer Seele, aus dem unerneuten Teil in ihnen. Mais les enfants de Dieu, les gens qui sont nés de nouveau comme nous, notre péché, nos péchés, ça vient de notre âme qui n'est pas encore renouvelée, de notre âme qui n'est qu'on n'est pas, on n'a pas encore renouvelé des pensées. C'est là où on est en train de pécher. Ça vient pas de notre esprit, parce que notre esprit est parfait. Alléluia. Amen. Amen. We have just read the example of Ananias and Sapphira. Eben hat das Beispiel von Ananias und Sapphira gelesen. On venait de lire l'exemple de Ananias et Sapphira. Amen. Amen. The problem they had was a problem of their soul. Das Problem, was sie hatten, verse 10, even the wife. Amen. Das they had the problem of the soul. Mm. On va voir que leur problème qu'ils avaient, Ananias et Sapphira, ça venait de leur âme, quand on a lit Acte 5:10. Donc leur âme n'était pas renouvelée, c'est pour cela qu'ils étaient capables à mentir, même au niveau de mentir au Saint-Esprit. Donc Amen. C'était ça leur problème, Amen. Leur âme. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we love comparison so much. We did the same thing. Wir lieben es, uns zu vergleichen, uns zu messen mit anderen und zu sagen, wir haben doch das Gleiche gemacht wie sie. Nous, on aime vraiment se comparer l'un à l'autre. On dit toujours que ben, moi, j'ai fait la même chose que la personne a fait. Amen. Mm-hmm. But at the bottom of the husband and wife, lovey, lovey, can say we did the same thing, like others. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. But we are doing the same thing. Und das Ehepaar Ananias Sapphira hat vielleicht gesagt oder hätte sagen können, ja, wir haben das Gleiche gemacht wie andere. Weshalb wird es uns jetzt übel genommen und bei den anderen konnte man ein Auge zudrücken. Et Ananias et Sapphira sind aussi capables à dire que ben, nous, on a fait la même chose que les autres. On a aussi, oui, on a vendu, mais on n'a pas quand même complètement tout donné. Mais est-ce que c'était vraiment la même chose? Est-ce qu'ils avaient le même motif? That's why I don't hide to do things, please. Don't hide to see people. Don't hide to receive phone call. Don't hide to don't just hate it. Don't do it. Because it's not between you and man. It's between you and the Holy Spirit. You cannot deceive him. He can see everything. Deswegen tue bitte nichts im Verborgenen. Hab keine verborgenen Anrufe, verborgenen Nachrichten, verborgenen Besuche, verborgenen Freundschaften. You hide everything. Hab diese Dinge nicht im Verborgenen, weil der Herr sieht alles, du kannst ihn nicht täuschen. Et c'est pour cela, c'est important de ne rien faire en cachette. Ne faites rien en cachette, ou bien ne les visite pas en cachette, ou bien ne parle pas avec eux en cachette, ou bien non, parce que l'Éternel, lui, il aime la lumière. Donc, quand tu fais quelque chose dans l'obscurité, tu fais des histoires en cachette, le sachant, là, ça a une mauvaise fin. They thought no one could see them. Sie dachten, sie sind verborgen und keiner kann sie sehen. Parce que eux ici, Ananias et Sapphira, ils pensaient qu'ils étaient vraiment en cachette. Il y avait personne qui les voyait. It's true, man cannot see the soul, but you cannot hide it from Christ. Na stimmt, der Mensch kann die Seele nicht sehen, aber du kannst nichts vor Christus Jesus verstecken. Et oui, c'est vrai. L'être humain n'est pas capable d'avoir ton âme ou bien tes pensées ou bien savoir comment tu es en train de penser. Mais le Saint-Esprit, il est capable de savoir tout. Sie dachten, sind die einzigen, die ihre Seele sehen können, die ihre Motive und Pläne sehen können. Eux, ils pensaient que sont les seuls qui sont entrés, qui sont capables d'avoir leurs motifs, à savoir. Donc, c'est vraiment en cachette, c'est seulement eux-mêmes qui savent ça. Non, ils ont oublié que le Saint-Esprit voit tout. Denn sie selbst wussten ja, dass das, was sie vorhaben, nicht von Christus ist. Und sie dachten, es ist verborgen, nur sie können es sehen. Parce qu'eux, ils ont menti, ils savaient que ce qu'ils faisaient était mauvais. And that's why no one can hide things from us. No one can hide things from Christ. No one can hide things from was us. Von uns once we speak, Amen. We know where it's coming from. Weil wir Christus sind und niemand kann es von Christus verbergen. Wenn Menschen sprechen, sehen wir direkt die Quelle. Wir sind direkt den Ursprung. Et c'est pour cela, vu que personne peut cacher quelque chose au Saint-Esprit et à Jésus-Christ. C'est de la même façon que personne peut cacher des histoires aussi, peuvent nous cacher des histoires parce que nous, on a le Christ en nous. Et dès que quelqu'un parle, on sait de quelle source ces paroles viennent. You know somebody that was always speaking, please don't stop speaking because you are afraid so that you will not be Satan. Amen. Mm. It's better in Bible studies, in the church, to speak. Mm. People can correct you. It's a growth. Mm. You are going to be growing and you will come to maturity. Then later you will be correcting others also. Mm. You are not going to remain a baby forever. Und wir sollen eben nicht aufhören zu sprechen, weil wir Angst haben, dass der Teufel durch uns spricht, sodass das, was wir sagen, falsch ist. Nein, wir sollen uns demütigen und dennoch sprechen, damit wir zulassen, dass unsere Worte berichtigt werden können, verbessert werden können, damit es nicht nur uns erbaut, aber auch den Hörern Erbauung bringt. Ne? Damit du auch selbst dann mit dem Verbesserten jemand anderen wieder aufbauen kannst. Sei da halt nicht selbstsüchtig mit deinen Worten. Et c'est pour cela aussi, c'est important comme toi par exemple, dans chacun de nous, on doit vraiment être courageux à parler parce que c'est pas grave si tes pensées sont pas renouvelées, mais c'est pour cela on est là l'un pour l'autre pour t'aider à savoir comment parler en Christ, à savoir pour t'aider à te dire que oui, ben c'est bien ce que tu penses, ou bien mais l'Éternel dit ceci ou cela. C'est vraiment important de continuer à parler parce que si tu te dis ben je veux pas parler parce que sinon ils vont penser que mais je suis pas née de nouveau, bien que mes pensées ne soient pas encore renouvelées, ils vont encore me faire des problèmes, ils vont discuter. Là ça c'est mauvais parce que toi-même tu es en train de t'empêcher toi-même à grandir. Mais le royaume des cieux est un royaume où on grandit, donc tu dois toujours poser des questions, tu dois toujours dire, même si c'est faux, mais c'est pour apprendre à la fin. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You cannot hide your soul from the Holy Spirit and Satan. Du kannst deine Seele nicht vor dem Satan und dem Heiligen Geist verstecken. You cannot. Tu n'es pas capable à cacher ton âme du Saint-Esprit et ou même aussi du diable. You cannot hide yourself from us. If you are here. Du kannst dich selbst nicht von uns verstecken. Et tout comme tu peux pas te cacher devant nous. If even you are quiet, we know why you are quiet. Selbst wenn du you can see it. Wenn du ruhig bist, wissen wir, dass du ruhig bist. Parce we know where it's coming from. Parce que même si tu es calme, tu ne dis rien, tu es timide, mais nous on sait d'où ça vient. Amen. Et on sait pourquoi tu ne parles pas. Praise the Lord. Amen. Amen. And that's why you better speak. Say something. Whatever it is, correction is better than they are so heavy in your heart. What about when people come to you because you are not good? People need you. Mm-hmm. The Lord did not save you alone to be saved alone. Yeah. He wants others to be saved through you. Mm-hmm. People know need you. If what you are keeping in your heart is so wrong, that's what you are going to share. Und es ist halt auch wichtig, dass wir erkennen, dass der Herr hat uns zu Botschaftern gemacht. Ne? Wir sollen, er hat uns nicht nur gerettet, sondern er will auch, dass wir andere retten, ne? Dass wir diese Botschaft weitergeben an andere. Aber wenn wir sie immer wieder für uns behalten oder wenn wir nicht zulassen, dass das, was wir schon gewonnen haben, verbessert wird, ausgebessert wird, indem wir Belehrungen hören, akzeptieren, dann haben wir die Botschaft, haben wir den Zweck vom Evangelium nicht wirklich verstanden. Donc on doit savoir que l'Éternel ne t'a pas seulement sauvé pour que toi-même tu puisses être resté sauvé. Il veut aussi sauver autre personne à travers toi. Et c'est pour cela, c'est mieux que tu puisses être courageux à parler, à poser des questions, pour que ce que tu connais, la chose précieuse que tu connais déjà, ça puisse être amélioré. Parce que quand c'est amélioré, c'est comme ça aussi que le Saint-Esprit va aussi guider autre personne aussi pour que tu puisses aussi les aider à être sauvés. Mais quand tu n'as pas, tu as peur de dire quelque chose, le message en toi n'est pas encore amélioré parce que tu ne veux pas qu'on puisse te corriger des histoires comme ça. Comment l'Éternel va sauver autre personne aussi à travers toi? Praise the Lord. And that's why if I see you don't want correction, you don't love it, you reject it, you ignore it, and you even see it as fun, and you don't take it serious. And repentance, you are not dead. It's as if the message, you did not even hear it. Or you did not listen to it. It did not come to you. Then, you know, when you are even telling me you are preaching to others, I question the message. Because you cannot give what you don't have. Yeah. Ne? Und ne, wenn jemand halt so allergisch gegenüber Belehrung ist, ne, nicht bereit ist, Dinge zu teilen, nicht zu sprechen, ich spreche mich unter Kindern Gottes, aber dann aber erzählt davon, wie er draußen so, zu so vielen Leuten spricht, wie Heiliger Geist so durch ihn predigt und lehrt, dann muss ich in Frage stellen, was du da draußen weitergibst. Ne? Weil du kannst nichts weitergeben, was du nicht selbst empfangen hast. On doit comprendre que tu ne peux pas donner ce que toi tu n'as pas encore reçu. Et si tu n'es pas capable à t'humilier, à croire au message que tu es en train de te prêcher ici, ou bien à poser des questions, ou bien à laisser que le Saint-Esprit puisse améliorer tes pensées, et toi tu me dis que oui, j'ai prêché aux gens dehors, mais moi je vais aussi me demander, je vais douter, je vais dire, mais oui, tu as prêché, mais qu'est-ce que tu as prêché? Parce que je sais que toi-même, tu n'as pas encore compris le message. Ou bien quelquefois, tu me montres que tu n'as pas compris le message. Et tu ne demandes pas. Et qu'est-ce que tu prêches alors dehors? Praise the Lord. Hallelujah. What are you going to preach to them? Was wirst du ihnen verkündigen? Qu'est-ce que tu vas leur prêcher? Come to Jesus and reject the message like me. Komm zu Jesus und verweigere die Botschaft genauso wie ich. Est-ce que tu vas les prêcher genre venez faire pick and choose what suit you. Like me. That's what I do. Est-ce que tu vas les prêcher de venir vers l'Éternel et de rejeter le message comme toi tu fais, ou bien viens vers l'Éternel ou commence à trier, ainsi que tu es quelqu'un qui fait ça, hein, pas tout le monde, mais si tu es quelqu'un qui trie les messages, est-ce que tu vas aussi prier aux gens, venez vers Jésus-Christ, mais trier ce que vous voulez croire et ce que vous voulez pas croire, ne le faisiez pas. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Und pick dir nur die Rosinen raus oder such dir nur die roten Gummibärchen aus. Nein, das macht gar keinen Sinn. Praise the Lord. Here we don't pick and choose what we like. We pick and choose Christ. Amen. Hier in dieser Gemeinde, da suchen wir uns nicht die Dinge aus, die wir annehmen oder nicht annehmen, sondern wir wählen Christus und er wählt für uns. Et ici dans cette église, on n'est pas en train de trier ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. On trie seulement Jésus-Christ et on laisse tout ce qui n'est pas Jésus-Christ, on laisse en dehors. You know, through relationship with you, we know you. Durch Beziehung mit dir. Through your words, we know you. Through your motive, your desire, your value. Durch deine Motive, deine Wünsche. That's how we pick and choose. Und so können wir ausselektieren. So können wir nehmen und ab. So können wir. I'll be one with you. Wählerisch sein, ja. So können wir wählerisch sein. Nous, on peut trier tout ce qu'on veut. Nous, on peut toujours trier seulement à travers. Das ist, was Mama gesagt hat als letzte. We don't pick and choose was nochmal? We don't pick and choose choose without Christ. We pick and choose Christ. Amen. Yeah. Donc, on doit savoir que nous, on ne trie pas sans Jésus-Christ. Tout ce qu'on est en train de trier, c'est seulement Jésus-Christ à travers lui. Amen. Amen. We don't pick and choose the message we are to listen to. Well, we are to believe. We don't believe Christ. Wir sind nicht wählerisch bei der Botschaft von Christus Jesus. Wir glauben einfach an das, was er sagt. Nous, on n'est pas en train de trier ce que Jésus-Christ dit, ou bien laisser quelque chose que... Non, ce qu'il dit, on est en train de trier ce qui nous est confort à nous, ou bien pas... Mais on est en train de choisir tout ce qu'il dit, c'est tout ça, on est en train de croire et on vit comme ça. We don't pick and choose who we are to be one with. Amen. Amen. We pick and choose Christ. We choose through Christ, we choose in Christ. Wir suchen uns nicht wählerisch. It's not our man to pick and choose. You know, when there are people in a classroom, the natural classroom, you know, you pick and choose your friends. You know who like you, you know who don't like you, just naturally, you just see how he's always smiling with me. That alone can help people to choose friends. But we do not do that. We do everything in Christ Jesus. Wir tun alles in Christus Jesus. Wir sind nicht wählerisch in den Dingen, die wir in Bezug auf den Menschen, beispielsweise wie in einem Klassenzimmer, wo es Leute gibt, die halt sagen, okay, ich suche mir die und die aus, mit denen ich befreundet bin, und mit den anderen Leuten, von denen muss ich nichts wissen. Das machen wir nicht. Wir wählen Christus und Christus wählt für uns. Et aussi, on n'est pas en train de trier avec qui marcher, qui sont nos amis, qui sont nos familles. Non, on fait tout ça selon l'éternel Jésus-Christ. C'est pas comme dans une classe ou à l'école, et tu dis que ben, cette fille-là ou bien ce garçon-là, il est toujours souriant avec moi, c'est pour cela il sera mon homme, mon ami ou bien ma copine, des histoires comme ça. Non, nous, on choisit Jésus-Christ et c'est lui qui va choisir maintenant pour nous. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you cannot hide anything evil from evil Satan. Du kannst nichts vor Satan verstecken. Tu n'es même pas capable. We are not going there because of time. Amen. He said, Jesus, I know Paul, I know who are you. Er sagt, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, wer bist du? Acte des apôtres 19 nous dit aussi que là on voit que le diable dit aussi aux disciples ou bien aux gens, il dit que Jésus je connais, Paul je connais, mais toi qui es-tu? Donc ça nous fait voir que tu ne peux même pas cacher ton âme du diable. Le diable aussi te connaît. Praise the Lord. Amen. You know, Satan knows you. You know that you belong to him. Er weiß, dass du zu ihm gehörst. Le diable te connaît et sait que tu lui appartiens. He knows that you are a vessel for him. Er weiß, dass du ein Gefäß bist für ihn. Et il sait que tu es un vaisseau pour lui. He knows that you know that Jesus is another vessel. Paul is another vessel, but you are not different from me. Er weiß, dass du ein Vessel. Dass Paulus ein anderes Gefäß ist, dass Petrus ein anderes Gefäß ist, aber dass du immer noch ein Gefäß für ihn bist und weil wegen deiner unerneuten Gedanken. Et cette question, le diable aussi va nous le poser aujourd'hui. Il va te dire aussi qui es-tu si tu parce qu'il connaît l'esprit du Christ. Il connaît l'esprit du Christ, il connaît l'esprit du Paul, mais si il sait que toi, il connaît ton âme, il connaît l'âme de Paul, l'âme du Christ, mais toi, si ton âme n'est pas encore renouvelée, il sait que tu as encore un vaisseau pour lui, et là, il peut travailler à travers toi. On va lire Ézéchiel 18. Pardon. Praise the Lord. Mm-hmm. From verse 20. Ézéchiel 18, verse 20. Ézéchiel 18, verset 20. Amen. Are we there? He said, the soul that sin it, it shall die. Praise the Lord. Amen. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Ici, il dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Praise the Lord. A dead soul. Eine tote Seele. Un âme qui est mort. A soul that is not of Christ is a dead soul. Eine Seele, die nicht von Christus ist, ist eine tote Seele. Une âme qui n'est pas du Christ, c'est une âme qui est morte. Praise the Lord. Amen. Amen. The Holy Spirit and Satan walk through our soul. Der Heilige Geist und der Satan arbeiten durch unsere Seele. Le Saint-Esprit et le diable. Eux deux sont en train de travailler à travers notre âme. The part of us that is, you know, that think. Der Teil von uns, der denkt, der meditiert. C'est la partie de nous qui pense, la partie de nous qui est en train de méditer. The part of us that take decisions. Der Teil von uns, der Entscheidungen trifft. La partie de nous qui prend des décisions. Are you getting it? Mm. Your soul is the part of you. Before you, you are coming here, it's coming from you. It's coming from inside, not from outside. Dass du hierher gekommen bist, es kommt von coming from your soul. Deiner Seele, von or from your spirit. If you are not saved. If you are saved from your soul, if you are not saved from your spirit, dein Handeln wird kommt aus deiner Seele, wenn du wiedergeboren bist. If somebody is coming here, for example, we forbid it. If somebody is coming here to steal, kill, and destroy, you know that person is not even saved. That spirit, they have a dead spirit. So the decision to come here is coming from his spirit. That's what I'm saying. Okay. Unsaved. Et ça signifie que quand quelqu'un vient ici à l'église, par exemple, c'est la partie aussi de toi qui pense, qui te dit que va à l'église. Si tu es un enfant de Dieu, c'est ton âme qui est, l'âme qui est née de nouveau, qui obéit ton esprit, qui te fait venir ici. Mais si, par exemple, tu es un païen qui veut seulement venir chercher des problèmes ici à l'église, par exemple, quand sa pensée te dit, la pensée de cet homme dit que je pars maintenant à cette église, ça vient, c'est une pensée qui vient aussi de de son esprit qui est mort, qui n'est pas né de nouveau, par exemple, parce qu'il veut aussi causer des zizanies, par exemple. So, can you help us to read verse 20? Verset 20, on va lire Ézéchiel 18. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen, und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Vorbei, ne? Again, the soul that sinned shall die. It's not done. Ach so, sorry. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Praise the Lord. Mm-hmm. Again, the soul that sinned shall die. Amen. That does not mean your spirit and your body are separated alone. Das heißt nicht nur, dass dein Geist und dein Körper getrennt sind voneinander. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça ne signifie pas que ton corps et ton esprit sont les seules choses qui sont séparées. You know what man called death? Ihr wisst, was der Mensch tot nennt. Vous savez ce que l'être humain appelle la mort? Amen. It is the body that died. C'est le Körper, der gestorben ist. And not the spirit. C'est la mort physique. Your spirit never died. Aber amen. But there's a separation between the spirit and the body. Aber nicht dein Geist, denn es gibt eine Trennung zwischen Geist und Körper. C'est que quand l'être humain dit que tu es quelqu'un est mort, c'est la mort physique, hein? Mais il y a aussi il existe aussi une mort aussi spirituelle en fait. Like Ananias and Sapphira, they both died. Wie Ananias und Sapphira beide gestorben, das was der Mensch tot nennt. Comme Ananias et Sapphira, ils sont morts eux deux. C'est que l'être humain appelle la mort. Donc ils étaient morts physiquement. Amen. But before they died, their soul was already a dead soul. Aber bevor sie gestorben sind, war ihre Seele schon tot. Mais avant de mourir, leur âme était déjà mort. It's like somebody getting it. Praise the Lord. Hallelujah. That also means one. Donc c'est l'âme qui meurt, mais l'esprit ne meurt jamais. Hein? Donc tu peux avoir une mort physique et aussi ton âme peut aussi être ça meurt avant même. Amen. That also means no one will listen to you in the living church. If your soul is dead and you speak, no one will listen to you. Tut bedeutet auch, dass wenn du in einer lebendigen Gemeinde sprichst, wird dir niemand zuhören. Und wenn deine Seele tot ist, wird dir auch niemand Ohr schenken. La mort, ça signifie aussi que quand tu es dans l'esprit, dans une église vivante, quand tu vas parler, il y a personne qui va t'écouter. Is somebody got it? Ta source, c'est une ça vient d'un esprit qui est mort. Amen. Amen. No one will listen to you. Un âme qui est pas renouvelée par Dieu. Amen. Et c'est pour cela que personne ne va pas t'écouter parce que ce que tu dis, ça vient de ton âme qui n'est pas renouvelée. Amen. Amen. Because of your dead soul. In deiner toten Seele. Because those things you are saying, they are coming from a dead soul. Weil die Sachen, die du sagst, aus deiner toten Seele kommen. It's not being backed by the Holy Spirit. Sie werden nicht unterstützt vom Heiligen Geist. Et ce que tu es en train de dire, ça vient de ton âme qui n'est pas renouvelée. Ça signifie que le Saint-Esprit n'est pas en train de soutenir tes paroles, ce que tu es en train de dire. Malgré que ton âme est née de nouveau. Mais si ton esprit est né de nouveau, mais si ton âme n'est pas renouvelée, ce que tu vas dire, les gens ne vont pas l'écouter parce que le Saint-Esprit ne le soutient pas. It's only the soul that is saved that can glorify God. So die Seele, die errettet ist, kann den Herrn verherrlichen. C'est seulement l'âme qui est renouvelée. Hein, c'est seulement cette âme-là qui peut glorifier l'Éternel. Because the Holy Spirit is involved. Denn der Heilige Geist ist involviert. In a renewed soul. A soul that is full of Christ. That allow Christ to come inside. In einer Seele, wo Christus zu Hause sein darf, ne? Zulässig ist. Parce que le Saint-Esprit peut seulement travailler à travers un âme qui est renouvelée. Quand tu as renouvelé tes pensées avec la vérité de Jésus-Christ, c'est là que le Saint-Esprit est là pour te soutenir et il est impliqué là. Praise the Lord. Hallelujah. No, that also means no prayer. No prayer work for you. You pray over things and there will be no change. Because of your dead soul. Und Tod bedeutet auch bei dem Gebet, dass du wirst für Dinge beten, aber es wird nicht funktionieren wegen deiner unerneuerten Seele, weil du ein anderes Problem hast als das unerhörte Gebet. Tu peux aussi commencer à beaucoup prier, tu pries, mais tes prières vont pas être écoutée parce que ton âme, elle n'est pas renouvelée. Et donc, ta prière est en vain, en fait. Praise the Lord. There's a place I want us to go to. He said, before you pray, go and forgive one another. You know this. Es gibt noch eine Stelle, an die wir noch hingehen sollen. Praise the Lord. Wo es darum geht, dass bevor ihr betet, gut, dass ihr einander erstmal vergibt. Da ein verset biblique qui nous dit que avant même de prier, partez aussi, faisiez. Mark 11, please. Soyez sûr que vous êtes pardonné les uns Marcus et les autres. C'est à Marc 11. Praise the Lord. Here Jesus just finished saying, talking about prayer. In Mark 11. He said, once you speak to the mountain is to obey you. Wenn ihr zum Berg spricht, muss dieser Berg euch gehorchen. Ihr müsst glauben. Ici, il nous parle, Jésus-Christ nous parle de la foi. Il dit que quand tu parles, dès que tu parles, la montagne doit t'obéir. Let's read from verse 22. Matthäus 11, Vers 22. Matthieu 11, verset 22. And Jesus answered and said unto them, have faith in God. Praise the Lord. Jesus sagt zu ihm, glaubt an Gott. Ici, Jésus-Christ dit que, hey, foi en Dieu. You know, here is us actually saying, renew your soul. Das heißt, allow, erneuere deine Seele. Believe in your heart. Allow glaub mir in deinem Herzen. Are you getting something here? Have faith in God. Verse 23. 23. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have those whatsoever he said. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe, and not when you receive, you believe. When you pray, believe that you receive them, and you shall. That is how you receive them. You see them. Mm-hmm. Then verse 25. He just talked about finish talking about prayer. And he said, and when you start praying, forgive. He's talking about your soul. Es geht um deine Seele. You see that. Ici, ici il parle. Il te dit que il parle aussi de ton âme. Ici, il dit que quand tu pries, là, tu dois croire. C'est la partie de toi qui croit à ce que tu pries, c'est aussi ton âme. Are you getting something here? They say when you pray, forgive if you have acted against any, that your Father also which is in heaven forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither he's talking about soul and not about Father doing something. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. A soul that is full of unforgiveness, bitterness, full of bitterness, religion, c'est une toute seele. Et s'il parle toujours aussi de l'âme, un âme qui est plein de problèmes ou bien qui a plein de rancunes, tout ça dans ton cœur. Et c'est une âme, c'est une âme quelconque qui n'est pas capable à qui ne pardonne pas. Voilà. If your soul is not dead, you will know that it's not you forgive so that God will forgive you. Wenn eure Seele nicht tot ist, werdet ihr auch erkennen, dass es geht nicht darum zu vergeben, damit der Herr mir vergibt. Mais si ton âme n'est pas mort, là tu es capable à comprendre que il s'agit pas de pardonner pour que l'Éternel te pardonne, parce que ton âme, elle est en accord avec l'Éternel. If your soul is not dead, you will know that it's not about having things, it's about having Christ. That is your victory. Weil wenn eure Seele nicht tot ist, werden wir auch erkennen, es geht nicht darum, Dinge zu haben, sondern es geht darum, Christus zu haben. Si ton âme n'est pas mort, tu vas pas savoir qu'il ne s'agit pas d'obtenir ou bien d'avoir quelque chose, mais il s'agit d'avoir le Christ. It's a living soul that have all things. Eine lebendige Seele hat alles. Amen. Hat Christus, hat Vergebung, hat alles. Amen. C'est seulement un âme vivant qui vit. C'est cette âme-là qui a tout en Christ. Parce que c'est seulement à travers le Christ qu'on a tout. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Death also means you don't have or bear any fruit. Tod bedeutet auch, dass wir keine Frucht bringen. Dass diese tote Seele keine Frucht bringt. Die Frucht des Geistes. Nicht mehr die Frucht. Du wirst Frucht bringen, aber nicht mehr die Frucht des Lebens, sondern die Frucht des Todes. Les fruits que tu vas porter, ce sera des fruits de la mort et pas des fruits de la vie. Galates 5. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. It talks about the fruit of the spirit. Il geht's um die Frucht des Geistes. Ici, il s'agit de des fruits. Amen. From verse 22, you can see. Verset 22. What kind of love? What kind of joy? What kind of peace? Everything of Christ, Christ, Christ. You know, he said, but the fruit of the Spirit. Are you getting it? A dead soul bear fruit, but the fruit of death. Look at the dead, what? The fruit of the dead soul. Die tote Seele gibt Frucht, aber es ist eine Frucht des Fleisches, die Frucht des Todes. Und die lesen wir ab 19. On va d'abord lire Galates 5, verset 19. Là, ils sont en train de nous faire voir les fruits de l'esprit qui est mort. He said, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, seduction, heresies. You know, anyone, they are just operating in you. Today you can be this, the other day you are this. I don't want to go into this so much. Amen. Und all diese Werke können in einem wandeln. Morgen bist du in Eifersucht, übermorgen bist du in Parteiung, dann bist du wieder in Zauberei drin. How this fruit, they are renew soul. This is their fruit. They have its own fruit also. Amen. Die unerneute Seele hat ihre eigenen Frucht. Donc on voit ici tous ces qu'ils ont cité ici, il y a des gens qui en ont ça quelquefois, notre ancienne personne avait ça souvent, quelquefois on avait des disputes, on était jalouses, ceci, cela, donc il y avait vraiment beaucoup de victoires. En verse 21, c'est envy, murder, drunkenness, revelings, and such like of the which I tell you before, as I have also told you in the past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit, praise the Lord. Hallelujah. Amen. The soul, you know, your soul is dead or alive. They are going to have fruit. They have their own fruit. Ob tot oder lebendig, deine Seele wird Frucht tragen. Donc, tu vas voir que si ton âme est mort ou bien même vivant, tu vas avoir forcément des fruits. Et les fruits, ce sera ou de la vie ou de les ténèbres. Ici, on voit verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, tout ça. C'est le fruit d'un âme qui n'est pas vivant. Praise the Lord. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. We might have the same spirit. Wir haben den gleichen Geist. On peut avoir le même esprit. La même esprit. Which is Christ now in our spirit. Der Christus Jesus ist, der jetzt in unserem Geist ist. Qui est Jésus-Christ qui est dans notre esprit. But our soul are never the same. Unsere Seele ist niemals gleich. Mais notre esprit, c'est pas la même chose. Amen. C'est pas, notre âme n'est pas la même chose. A dead soul has its own motive. Eine tote Seele hat ihre eigenen Motive. Une âme morte a ses propres motifs. They have its own desire. Ihre eigenen Wünsche. A ses propres désirs. They have what he value. Hat das, was wertschätzt. L'âme morte a ce qu'il est en train de valoriser. Il a son focus. Mm-hmm. Focus. Ça a sa propre concentration. Amen. So also it's a living soul. Tout comme une lebendige Seele. Tout comme une âme vivante. A living soul has its own motive. Eine lebendige Seele hat ihre eigenen Motive. Une âme vivante a ses propres motifs. Has its own desire. Seine eigenen Wünsche. Amen. Et ses propres désirs. Amen. Amen. He have his own value. Seine eigenen Werte. Et ses propres valeurs. He have his own focus. Seine eigenen Fokus. Et ses propres concentrations. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our soul is our heart. Unsere Seele ist unser Herz. Notre âme, c'est notre cœur. It's part of us that think. Der Teil von uns, der decision denkt immediately. Und direkt Entscheidungen trifft. La partie de nous qui pense ou qui prend et c'est qui prend qui prennent des décisions. Praise the Lord. Hallelujah. We will close, please, because the time has really gone. Before I continue, let me quickly say this. The Lord hates comparison. L'Éternel déteste les comparaisons. Go to 2 Corinthians 10. 2 Corinthians 10. Verse 12. 12. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Corinthians 10, verse 12. Verset 12. 12. 12. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständlich, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Praise the Lord. The Lord hates comparison. Der Herr hasst es, wenn man sich vergleicht. It's working for them. Why is it not working for me? Es läuft bei ihnen, wieso läuft es bei mir nicht? Il dit si nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelqu'un à quelqu'un de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leurs propres mesures et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Donc l'Éternel déteste quand on est en train de se comparer. Amen. They are hearing, they listen to her, they don't listen to me. Sie hören ihr zu, mir hören sie nicht zu. Ils sont en train d'écouter à elle, mais moi, ils ne m'écoutent pas. The meaning is that we are completely flesh. Das bedeutet, du bist vollkommen Fleisch. Ça signifie que tu es vraiment dans la chair. Is somebody getting it? It means you are completely in flesh. Du bist vollkommen Fleisch. Ça signifie que tu es charnel. Because you are not seeing Christ. Du siehst nicht Christus. Parce que tu ne vois pas le Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It says, for we dare not make ourselves of member or compare ourselves with some that compare themselves. But they measure themselves by themselves. And comparing themselves among themselves are not wise. Praise the Lord. The Lord hates it so much. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a enseigné, assigné de manière à nous faire venir aussi quelqu'un jusqu'à vous. Amen. Amen. If you remember Cain and Abel. Uns an Cain und Abel. Cain hat Abel getötet. Si on se rappelle à Cain et Abel, Cain a tué Abel. And the Lord caused Cain. Und der Herr hat Cain verflucht. Et c'est pour cela que l'Éternel a maudit Cain. And no, Cain a pleased for her that if you treat me that way, where they find me, they are going to kill me. Und Cain hat um Hilfe gebeten beim Herrn, dass wenn du mich so behandelst, werden mich überall die Menschen auch so dreckig behandeln. Et l'Éternel a Cain a cherché à l'Éternel, il a dit, mais si toi tu me donnes une malédiction pareille, ils vont me chercher pour me tuer. Amen. Amen. And the Lord now said, whoever kills Cain shall be killed. Und der Herr hat dann dieses Gebot erstellt, dass wer auch immer Cain tötet, der wird getötet. Et c'est pour cela l'Éternel a mis une loi, il a dit que tout le monde qui va essayer de tuer Cain sera aussi tué. And later, people started comparing themselves to Cain. Und später fingen die Leute an, sich mit Cain zu messen, zu vergleichen. God forgive me, what about me? He must forgive me. So people, the same word, that was where love came from. Die Leute sind dann durchgedreht und haben dann gesagt, ja, bei mir war es nur Notwehr oder bei mir, er hat es verdient, getötet zu werden. Und wenn bei Cain, obwohl es sein eigener Bruder war, da sogar Vergebung gewalten hat, sogar Schutz gewalten hat, wie viel mehr bei mir. Und die Leute haben sich angefangen zu vergleichen mit dieser Situation. Und daraus ist diese Sünde über Sünde über Sünde halt immer größer und größer geworden, bis dann das Gesetz eintreten musste, um dem Ganzen einen Riegel vorzusetzen. Et c'est pour cela que tu vois aussi que Cain, quand l'Éternel a dit que personne ne doit tuer Cain, tu vois que les gens ont commencé à se comparer avec Cain. Ils disent que lui, il a tué son frère, l'Éternel lui a protégé. Ça signifie que moi, que j'ai tué quelqu'un parce que quelqu'un m'a fait du mal. Donc l'Éternel va aussi me protéger parce que Cain, son frère, n'avait pas fait du mal. Et tu vois que les gens ont commencé à se comparer toujours à Cain et ça continue des générations, des générations. C'est comme ça que que le péché ait commencé, a commencé encore à devenir encore plus grand, que tout le monde était en train de se justifier, justifier tous ces, tous ceux qui sont en train de faire du mal. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a emmené la loi à travers Moïse. Dieu a emmené la loi à travers Moïse pour mettre une fin, pour que les gens puissent avoir une règle, parce qu'ils étaient devenus comme des indigènes, comme des sauvages qui n'avaient pas des règles en fait. If God can have mercy on Cain after killing his own brother, how much more than I will kill my enemy? Wenn Gott Gnade walten hat lassen für einen Menschen, der seinen eigenen Bruder getötet hat, wie viel mehr für mich, der seinen Feind einfach aus dem Weg geklärt hat, getötet somebody hat. That hit me. Les gens disaient que les gens commençaient même à dire que mais si l'Éternel donnait pouvait avoir pitié de Caïn, lui donner de la grâce, Caïn qui a tué son frère qui n'a rien fait. Et moi aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un qui m'a fait du mal, qui me déteste, qui veut me frapper toujours. Ça signifie que Dieu aura encore plus de grâce avec moi. Il aura encore plus pitié que moi. Parce qu'il a eu même pitié avec, avec Caïn. Donc, c'est comme ça que les gens donc, ont commencé à penser bizarre. Praise the Lord. You know, you can start from one. You are going to go to two before you know it. Before you know, you are going to go to three. If you start comparing one thing, before you know, you are going to something else. You never stop that way. Und das wird halt nicht aufhören, dieses Vergleichen. Wenn du dich in einer Sache vergleichst, wirst du dich in der nächsten Sache vergleichen. Immer weiter und weiter. Et tu ne vas pas cesser de te comparer. Parce que si tu commences à te comparer à une chose, demain tu vas commencer à comparer à deux choses, à deux personnes, à trois personnes. Donc ça va toujours s'augmenter. Ça ne finit pas. If I compare myself with other pastors, I will not be here. Wenn ich mich selbst mit anderen Pastoren vergleiche, würde wäre ich heute nicht hier. Si moi-même je me comparais aussi à autres pasteurs, je ne serais pas ici. Let us learn to see Christ. Lass uns lernen, Christus Jesus zu On sehen. On doit apprendre à voir Jésus-Christ. Amen. Comparison means you are full of flesh. Vergleichen bedeutet, dass wir voll vom Fleisch sind. Quand tu te compares, tu dois savoir que tu es plein vraiment dans la chair. They listen to you, they don't listen to me. That is Sie hören mir flesh. Zu, aber sie hören ihnen zu, mir nicht, aber dann bist du vollkommen Fleisch. Ils sont en train de les écouter, ils sont en train de, mais moi, ils m'écoutent pas, ça c'est vraiment charnel. It means you are not seeing Christ. Das heißt, du siehst Christus nicht. Et ça signifie que tu ne vois pas le Christ. You don't listen to Christ. If you see your brother ask, they listen to him. You will not even be angry if they did not listen to you. Yeah. Weil wenn du deinen Bruder als Christus ansiehst und du siehst, dass sie das, was dein Bruder sagen, annehmen, und wenn du doch wirklich sagst, dass du für Christus bist, dann bist du auch doch dafür. Dann wirst du das noch nicht beneiden. Donc si toi tu vois que c'est que tu dis que si tu sais que c'est que tu dis que c'est le Christ et que la personne une autre personne dit aussi la même chose et on est en train d'accepter ce que la personne dit et pas ce que toi tu dis. Si tu sais que c'est aussi le Christ et que c'est la même chose, tu seras même heureux parce que sinon tu vas voir que oh bon quand même ils n'ont pas accepté le Christ qui venait à travers ma parole, mais ils ont accepté le Christ qui vient à travers la parole de quelqu'un d'autre. Mais à la fin, c'est le Christ qui a accepté. Mais si tu ne vois, commences à voir que wow, moi, ma parole, ils n'acceptent pas, ça signifie que tu ne vois pas le Christ, on sait que tu dis. Tu es en train de voir la chair, on sait que tu dis. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why to know who you are is very important. Because I know who I am. If I say things, sometimes I say things here, you children, you don't even listen. You don't accept it. But I leave you because I know who I am. I know where it's coming from. Before you know, you will not be the one telling me it is true. You will experience it. It never go without being. Without you seeing it. Ja, und ich kann ich selbst als Pastor kann ein Lied davon singen, dass so oft fühle ich mich hier nicht gehört und nicht verstanden, wenn ich etwas sage. Aber weil ich weiß, wer ich bin und wer durch mich spricht, ist mir das egal. Ich verkündige diese Botschaft dennoch. Und später kommt ihr sogar zurück und sagt, und bestätigt das dann sogar. Und ich bin dennoch dankbar, weil ich weiß, es geht nicht um mich, sondern um ihn. Et moi aussi, même étant votre pasteur, quelquefois, je suis aussi beaucoup dans une position que quand je vous dis quelque chose, vous ne me croyez pas. Beaucoup de gens entre vous, vous ne me croyez pas. Mais il y a toujours un jour où vous venez vers moi, vous me disiez, ben maman, tu avais raison. Mais moi, quand je vous dis et vous ne me croyez pas, je vous laisse. Je vous laisse parce que je me dis que vous allez voir. C'est parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'Éternel. Moi, je sais de qui je parle et de quoi je parle. Si je parle le Christ, donc ça signifie que lui-même, à la fin, il va vous faire voir si c'était le droit chemin ou pas. Et à la fin, c'est toujours... J'ai vraiment expérimenté beaucoup de fois. Vous venez vers moi, vous me disiez, ah maman, tu avais vraiment raison. Amen. Amen. You know, like Stephen, when they were killing, when they were stoning him to death, he said, you know, you even pray for them. Mm. You know the place, eh? Mm. In Acts 7 or so. He says, he even pray for them. He said, forgive them for they don't know what they are doing. Because he was only seeing Christ. Nobody is even stoning you. Auch Stephanus, als er gesteinigt wurde, hat er sogar für sie gebetet und gesagt, vergib mir, sie wissen nicht, was sie tun. Und bei dir, es steinigt dich noch nicht mal jemand und du kannst noch nicht mal für Leute mehr beten, geschweige oder ihnen... Stattdessen ist immer nur eine Beschwerde da. Et toi, on peut voir même à Étienne, par exemple, quand Étienne a été lapidé, tu peux voir que pendant qu'on est lapidé, lui, il était en train de prier pour les gens qui sont en train de lui lapider. Mais toi, aujourd'hui, toi et moi, aujourd'hui, quelquefois, on est, tu vois seulement que oui, ben, le frère ceci a dit ça, moi aussi j'ai dit ça, mais on n'a pas réagi, l'Église n'a pas réagi de la même façon. Tu n'es même plus capable à prier pour tes frères et sœurs. Et tu n'es même pas comme Étienne, on t'a même pas lapidé pour voir que dans quel niveau vraiment, un niveau bas que tu es vraiment spirituel quand tu es en train de voir, de parler ainsi. Praise the Lord. Amen. On Wednesday we will go further, because we still have a lot. Am Mittwoch geht es weiter, wir haben noch nicht wirklich angefangen. Amen. Mercredi, on va vraiment continuer. Amen. On Wednesday, maybe that of time will be involved, because there's some message concerning time. Amen. There's not what is called evil break. We should reject any evil break. Evil rest. Evil break. Amen. You cannot break from Christ. Amen. I know what I mean, break. Pause it. Yeah, wir sollten die bösartige Pause wirklich rejecten. Also bei Christus gibt es keine Beziehungspause. Also das ist bösartig. Let me get away from the Bible study for some time, then I can study. There's nothing like that. Da kannst du nicht sagen, ich gehe ein bisschen weg von der Bible study und und tue dann und komme dann wieder zurück und denke, alles ist dann wieder wie vorher. Das funktioniert bei Christus nicht, weil es ist immer noch geistlich, was wir hier tun. Donc, tu peux pas dire que, also mercredi, on va parler aussi du ce qui concerne le temps. Parce que tu ne peux pas dire que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aussi que, oui, je vais d'abord avoir mon temps, je pars toujours à l'église, mais maintenant je veux avoir mon temps. C'est comme si tu es en train de dire que, oui, je veux une pause du Christ pour être quelques minutes avec le diable et puis je veux revenir avec le Christ. Personne ne dit ça. C'est insensé. Mais c'est la même signification quand tu dis que je veux avoir une pause de l'école biblique ou bien du message ou bien avec les enfants de Dieu. Je veux avoir une pause de Ralph ou bien de tous ces gens ici. Tu es en train de dire que tu veux avoir une pause du Christ. Et c'est look at Mark 4. Mark 4 talk about time. He said you plant the seed and they go and sleep and wake up. Go and sleep and rise. You know that sleeping is not evil sleeping. It's Christ. Mm-hmm. Are you getting it? Everything must be Christ. Es hat kein bösartiges Schlafen. Alles muss Christus sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. So we have closed. Please, if you have anything to add.